Non, c'est pas la bonne vidéo. J'y arrive pas. C'est chiant quand on n'arrive pas à faire un truc. T'appuies sur C, contrôle C. Et après, c'est contrôle V. Non, c'est pas V. V? Mais ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? C'est celle-là. Thank you.